c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Marche des Sciences, émission spéciale Grand Portrait, dédiée aujourd'hui à Joël Leibowitz. It is indeed a great honor and pleasure for me to receive this medal from the French Academy of Sciences. I call myself a mathematical physicist, which according to Freeman Dyson, a very distinguished member of our community, is a discipline of people who try to reach a deep understanding of physical phenomena by following the rigorous style and method of mathematics. C'était le 14 octobre 2014, un roulement de tambour sous la coupole de l'Institut de France, journée hommage en ce lieu prestigieux où l'on remettait ce jour-là le prix de la grande médaille de l'Académie des sciences à un homme qui est l'âme de la physique statistique. Des honneurs pour saluer une vie de recherche magistrale et un parcours humain hors du commun. Joël Leibowitz, puisqu'il s'agit de lui, est un chercheur américain né en 1930 dans une famille juive en Tchécoslovaquie. Son enfance, brisée par la Seconde Guerre mondiale, et son parcours en terre d'Amérique l'ont forgé, incontestablement. Et c'est à la fois en scientifique et en défenseur des droits des libertés des hommes de science que Joël Leibowitz a mené sa vie et réalisé son œuvre. De passage à Paris, il a accepté notre invitation et c'est donc la rencontre avec cet homme à part que nous vous proposons aujourd'hui dans La Marche des Sciences, le monde de cette figure de la science et des droits de l'homme. Une émission émaillée de reportages réalisés par Céline Duchesnay et d'archives sonores de l'INA, dénichées par Anaï Morales et Sophie Gilry. Et à nos côtés, j'ai le plaisir d'avoir le traducteur Xavier Combes. Une plongée dans le monde de Joël Leibowitz, cette figure de la science et des droits de l'homme qui suscite l'intérêt et même l'admiration de certains scientifiques français tels Bernard Derrida. Alors, ce qu'il représente pour moi, peut-être je vais résumer en empruntant une phrase qui est due à nos confrères, qui est David Ruel, qui dit que c'est l'âme de la physique statistique. C'est quelqu'un qui a complètement couvert le domaine et qui l'a entièrement dominé. Pour moi, je trouve que c'est un exemple à plusieurs titres. D'abord, il est parti de rien et il est arrivé là où il est arrivé, ce qui est impressionnant parce qu'à 15 ans, il s'est retrouvé avec rien. Un autre aspect, c'est un exemple de longévité scientifique. Je trouve ça très encourageant de voir Joël, dont les yeux pétillent, même parfois, il a fait un voyage transatlantique, il arrive fatigué. On commence à discuter de science et c'est comme un jeune enfant à qui on montre un nouveau jouet. Donc cette longévité scientifique, je trouve qu'elle est extrêmement encourageante quand on avance soi-même un peu en âge. Enfin, disons peut-être le plus important, c'est une source constante d'inspiration scientifique. Chacune de nos rencontres m'apporte des idées, des choses à regarder. Donc c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Bonjour Joël Leibowitz. Bonjour. Alors, l'âme de la physique statistique, hein, on a entendu à cet instant Bernard Derrida, qui est théoricien de la physique statistique, interviewé par Céline Duchesnay, et donc il parlait de vous de cette façon-là, l'âme de la physique statistique, il parlait aussi de longévité scientifique, et de vous comme une source d'inspiration. Bernard Derrida, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Bernard Derrida... Je l'ai rencontré lorsqu'il était étudiant à Saclay. C'était, je veux dire, un étudiant déjà brillant à l'époque. Et je crois que Bernard Derrida est devenu l'un des scientifiques de premier plan en France, dans son domaine de la mécanique statistique, membre de l'Académie. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années. Nous avons démarré lorsqu'il était à Saclay. used to come and visit me often. Il me rendait visite régulièrement. Moi-même, je venais à Paris. Then he moved to a call normal, and we have continued. Ensuite, il a déménagé. Nous avons continué à travailler. I have very great admiration. Je dois dire que j'ai pour Bernard Derrida, en plus d'une très grande amitié, une très grande admiration. Et une admiration réciproque, on peut le dire, hein, Joël Leibovitz. En tout cas, vous êtes apprécié en France. Vous avez été honoré par cette grande médaille de l'Académie des sciences, remise en octobre 2014. C'était inattendu pour vous ? Yes, totally unexpected. I was, c'était totalement inattendu, oui. Je participais à une conférence à Helsinki, en Finlande, et j'ai reçu un courriel d'Edouard Vazal me disant que j'allais recevoir cette médaille. Pour ne rien vous cacher, j'ignorais l'existence de cette médaille à l'époque. Donc, c'était on ne peut plus inattendu. J'étais particulièrement ravi et c'était un véritable honneur pour moi. Alors, dites-nous concrètement, Joël Leibovitz, c'est quoi la physique statistique, si vous deviez nous l'exposer en quelques lignes ? Well, it is trying to, la physique statistique vise à comprendre le rapport qu'il y a entre des phénomènes macroscopiques que l'on voit au quotidien, l'ébullition de l'eau, le gel de l'eau, ou bien des phénomènes plus compliqués que cela aussi. Et on essaye de comprendre ces phénomènes du point de vue des mouvements et de la dynamique des parties constitutives de la matière à l'échelle microscopique. Je parle des atomes et des molécules. Il s'agit donc de statistiques, parce qu'en effet, il y a une multitude d'atomes et de molécules qui agissent pour donner lieu à ce phénomène macroscopique et la dynamique de ces éléments entre eux qui, donc, doit être étudiée pour comprendre le rapport entre le microscopique et le macroscopique. Donc finalement, c'est donner un cadre mathématique hein, pour relier le macroscopique au microscopique, c'est ça ? Exactly. Et donc je disais, votre parcours, Joël Leibovitz, force l'admiration, mais c'est un parcours qui a connu très tôt les soubresauts de l'histoire du monde hein, avec la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter ce témoignage de Simone Veil, c'est dans une archive INA qui date du 27 janvier 2005. On l'entend lors d'une cérémonie du souvenir à Auschwitz, 60 ans après la libération des camps. Cérémonie d'ailleurs, pour le rappeler, qui à l'époque avait rassemblé 44 chefs d'État et de gouvernement. Et ce témoignage sera suivi du regard de votre ami Édouard Brézin, membre de l'Académie des sciences et ancien président de cette prestigieuse maison, au micro de Céline Duchesne. Que serait devenu ce million d'enfants juifs assassinés ? Peut-être seraient-ils devenus des philosophes, des artistes, de grands savants, ou plus simplement d'habiles artisans ou des mères de famille. Ce que je sais, c'est que je pleure encore chaque fois que je pense à tous ces enfants et que je ne pourrai jamais les oublier. Quand on le connaît, même s'il est extrêmement pudique et refuse en général d'en parler, si un jour on le voit à l'été et qu'il fait très beau, nul ne peut être indifférent au nombre qui est tatoué sur son bras. C'est un rescapé d'Auschwitz où le reste de sa famille a disparu. Donc voilà, c'est quand même une personnalité extraordinairement riche, émouvante, utile, et qui a complètement dépassé ce drame de la Seconde Guerre mondiale, en ce sens que ça n'est pas quelqu'un qui en parle, c'est simplement quelqu'un qui considère que, après tous les drames qu'a vécu l'Europe en particulier, le monde, eh bien, il faut absolument sensibiliser les gens et les éviter à notre époque. Il n'est pas en train de refaire l'histoire des camps de concentration. C'est pas ça. C'est pas du tout ça, sa démarche. Et encore une fois, avec une pudeur personnelle qui force le respect. Joël Leibovitz. I was very pleased about Simone Veil, great admirer of her book. The Iliad, a poem of force, which I J'admire beaucoup Simone Veil de par ses actions et ses écrits, oui. Yeah, and I think Edward is correct, especially. Edouard Brézin under the current situation, tient des propos tout à fait justes. One has to remember, à notre époque, je crois qu'il est important que l'on se souvienne de ce qui s'est passé. Ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. Parliez de ces deux personnages, effectivement. Simone Veil, dans ce document sonore, le journaliste rappelait son matricule 78-651. Et Édouard Brézin parlait de ce numéro que vous avez également. Et il faut rappeler aussi que Simone Veil est arrivée à l'âge de 16 ans et demi au camp de Auschwitz au printemps 1944, au moment où vous y étiez, vous aussi, Joël Leibowitz. Racontez-nous finalement ce drame aussi qui a été le vôtre et cette enfance. Vous êtes né en Tchécoslovaquie en 1930, dans une famille juive de Tasseva. Et tout bascule au moment de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, cette tragédie a bouleversé ma vie, c'est à tel point qu'il est difficile d'imaginer ce qu'aurait été ma vie s'il n'y avait pas eu cette expérience d'Auschwitz. Je ne serais vraisemblablement pas devenu un chercheur. That was certainly no role model of that kind. We didn't là où know anybody je suis né, il n'y avait pas de scientifique, je n'avais pas de modèle vers qui me tourner. La communauté dans laquelle j'ai grandi était très croyante. Very much on, studying, c'était une société qui était très tournée vers l'étude de la Torah and Talmud, that's et le Talmud, donc des judaïques, et puis surtout la préoccupation au quotidien, c'était la survie. All the energy and the time. Voilà, c'est ainsi que l'on dépensait notre énergie et ce à quoi on consacrait notre temps. Donc les préoccupations n'étaient surtout pas scientifiques, en fait. My father was a merchant. Mon père était commerçant. When I was young, I remember though. Learning the multiplication table. Pendant ma jeunesse, évidemment, j'ai appris les tables de multiplication. Et alors, quand vous avez été, vous, Joël Leibowitz, et votre famille, déportés, c'était quand vous aviez quel âge à l'époque ? 14. J'avais 14 ans. Et toute votre famille était avec vous ? Yeah, the whole, all the Jews. Toute la famille, village, tous les Juifs du village ont été déportés en même temps. Vous êtes arrivé à Auschwitz à quel moment ? May of 1944. C'était en mai 44. I believe it's May 26. Je pense que c'était le 26 mai, mais je n'en suis plus certain. Et la fin du calvaire, Joël Leibowitz? Also about towards end of April, beginning of May. À la fin avril, début mai 45. Comment est-ce que vous êtes retrouvé aux États-Unis? Well, it's a long, complicated story. Ah, c'est une histoire un petit peu compliquée. We were liberated by British troops. Ce sont les troupes britanniques qui nous ont libérés, donc à Bergen-Belsen. And then, after recovering a bit from, I believe I was only had a weight of under 100 pounds and maybe 56 kilos. Je devais peser quelque chose comme 56 kilos, voire moins. Donc il a fait une période de rétablissement physique. Donc nous avons été nourris, nous avons été traités. Et puis on nous a ramenés vers la Tchécoslovaquie. C'était la Tchécoslovaquie à l'époque et elle était occupée par les troupes soviétiques. Et from there, I went back to. My hometown to je suis retourné look for what, dans mon village pour voir ce qui y restait. Il ne restait pas grand-chose, d'ailleurs. Up, in Romania, je me suis retrouvé en Roumanie. Jewish or Orthodox, so-called yeshiva, I mean a place, study place. Dans un lieu où j'ai pu mener des études juives orthodoxes, yeshiva. In Romania, and then in 1946. Puis, en 1946, emigrate J'ai voulu émigrer pour aller retrouver ma tante en Tchécoslovaquie, mais évidemment, il était interdit de traverser la frontière entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Par conséquent, il fallait traverser la frontière de manière clandestine. Une fois de retour en Tchécoslovaquie, je voulais aller en Belgique pour apprendre à polir les diamants. Et ensuite, je me suis dit qu'à partir de là, je pourrais aller en Israël. Évidemment, ce n'était pas l'Israël. Ce n'était pas Israël à l'époque, c'était la Palestine sous mandat britannique. Et il était interdit d'y aller. Donc, de manière clandestine, on y est allé en faisant semblant d'être des réfugiés des Pays-Bas. Mais ils nous ont découverts à la frontière belge parce qu'ils nous ont montré une photo d'une dame et on nous a demandé si on savait de qui il s'agissait. On a dit non, on ne sait pas qui est cette dame. C'était la reine des Pays-Bas. Donc, ils nous ont démasqués et ils nous ont renvoyés dans la zone occupée française en Allemagne. Et là, on a séjourné plusieurs semaines. C'était précédemment un camp. Et par la suite, on a pu revenir dans un camp en Allemagne, dans une zone occupée par les États-Unis. C'était sous la protection des Nations Unies. Et là, on a accueilli des gens qui étaient comme des réfugiés. Et à partir de là, il était très difficile parce qu'illégal d'aller en Palestine. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été décidé que j'aille aux États-Unis. Il y avait un organisme à la tête duquel se trouvait Eleanor Roosevelt. Et cet organisme s'occupait des orphelins, de guerre. Et c'est cet organisme qui m'a aidé à partir pour les États-Unis. Parce que vous aviez perdu toute votre famille, Joël Leibowitz, vos parents et votre sœur à Auschwitz, c'est ça? Vous étiez le seul rescapé? No one of my immediate family survived. Oui, dans ma famille proche, il n'y a pas eu de survivants. Et alors à partir de là, Joël Leibowitz, donc vous arrivez aux États-Unis, vous intégrez une institution à Brooklyn, donc une école juive et la high school. Votre goût des sciences se forge vraiment aux États-Unis aussi, finalement? Yes, actually, en grande mesure, oui, c'est là que s'est éveillé mon intérêt pour la science. D'ailleurs, en chemin, je dirais, j'ai eu la possibilité de lire des ouvrages en yiddish, le yiddish qui était ma langue maternelle. Et dans ces ouvrages, il y avait des descriptions sur les merveilles de la science. Et je me souviens d'une description de gens qui vont dans l'océan avec un bathyscaphe. Voilà, c'est ça, le mot que vous cherchez, un bathyscaphe. Et ça m'a pas mal fasciné, ces lectures. Donc j'étais dans cette école juive aux États-Unis, et là, il y avait des cours de sciences et de mathématiques en particulier, et c'est là que j'ai pris goût pour la science. Et vous avez eu des mentors spécifiques? Did you have any specific mentors on the way? It was later, and when I went. Ah, les mentors, je les ai rencontrés plus tard. Je suis allé à la fac à Brooklyn après le lycée, et il y avait un enseignant, Melba Phillips. C'était une femme qui avait été étudiante du célèbre Oppenheimer. Yeah, one of the first women who. Première femme scientifique et une des premières femmes à avoir eu un doctorat de sciences. She was an inspiration. Et cette femme-là était une grande inspiration pour moi. Et à partir de là, votre vie d'enseignant commence. Joël Leibovitz, hein, vous enseignez 18 ans dans la Graduate School of Science à l'université Yeshiva à partir de 1959. Il y aura l'université Rutgers également. Vous devenez directeur de recherche en sciences mathématiques. En tout cas, un vrai parcours de chercheur et de scientifique qui a été le vôtre aux États-Unis. Je vous propose de rentrer à présent vraiment dans le détail de vos travaux, de vos contributions en physique statistique. Mais auparavant, on va d'abord écouter les propos et le regard sur ce sujet-là de Bernard Derrida. Joël a énormément de gens avec qui il a travaillé. Et j'ai l'impression que dans sa tête, eh bien, il y a des cases et il sait que tel problème est à discuter avec telle personne. Et donc, on discute de quelque chose, on ne se voit pas pendant 6 mois, et on se re-rencontre à l'autre bout du monde, et hop, la discussion repart pratiquement là où on l'avait laissé. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est aussi un peu effrayant, parce que souvent, c'est des problèmes assez difficiles, et qui datent depuis longtemps, et on sait que, je sais d'avance que ça ne va pas forcément avancer très vite, puisqu'on a déjà beaucoup réfléchi à la question. Mais quand je sais qu'on va se voir, je me prépare, et donc j'essaye de repenser intensément au problème pour que la discussion avec Joël soit le plus fructueuse possible. Le type de problème qui intéresse beaucoup Joël, c'est les systèmes hors d'équilibre. Si on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, comment ça devient tiède? Ça pourrait paraître un problème sans aucun intérêt, mais si on y réfléchit, ce qu'on sait de la matière, c'est qu'elle est formée d'atomes, que ces atomes se cognent entre eux, et c'est pas du tout évident en se disant qu'on mélange un ensemble d'atomes qui sont à une certaine température avec un autre ensemble d'atomes qui sont à une autre température, que ce mélange va s'homogénéiser. En fait, ce qu'on observe à notre échelle, c'est une évolution irréversible. C'est-à-dire que, hein, c'est notre expérience à tous, c'est qu'on mélange de l'eau chaude, de l'eau froide, ça devient tiède, mais les lois de la mécanique, les lois physiques qui régissent les interactions entre atomes, en fait, sont réversibles. C'est-à-dire que si on pouvait voir ce qui se passe au niveau des atomes et qu'on prenait un film, en repassant le film en sens inverse, ce qu'on verrait satisferait parfaitement les lois de la physique. Et donc, comprendre cette irréversibilité est un des sujets qui a beaucoup intéressé Joël et ce qui est un des thèmes sur lesquels nous travaillons. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Joël Leibovitz, donc Bernard Derrida, un de vos confidents en matière de physique statistique, en tout cas, vous débattez avec lui. Dites-nous concrètement, effectivement, quelles sont vos contributions, parce que une grande médaille de l'Académie des sciences salue des travaux, et concrètement, donc, c'est sur quoi avez-vous travaillé sur ce terrain-là? Well, as Bernard Derrida was saying, Bernard Derrida l'a très bien expliqué. What's called non-equilibrium statistical mechanics. La mécanique statistique des situations de déséquilibre. Par exemple, la conduction de la chaleur lorsque une partie de la matière est à une certaine température alors qu'une autre partie de la même matière est à une autre température. Les systèmes biologiques, les systèmes vivants, qui sont en état de déséquilibre. On s'intéresse beaucoup à ça, mais le traitement mathématique est particulièrement ardu. Les choses sont si compliquées que l'on essaye encore aujourd'hui de comprendre si on peut appliquer une description mathématique d'ordre général pour comprendre ces phénomènes. Par ailleurs, je m'intéresse à des systèmes d'équilibre. Aussi. L'un de mes travaux avec Elliot Leeb, collègue physicien, portait sur la stabilité de la matière. La matière est constituée d'électrons et de noyaux positifs qui s'attirent les uns les autres. On pourrait s'attendre à ce que tout s'effondre de par cette attraction. Indeed, that would be the case. Eh bien, ce serait bien le cas selon ce que l'on sait des interactions dites classiques, mais avec notre connaissance de la mécanique quantique, et en plus de la mécanique quantique, il y a la statistique de Fermi avec le principe d'exclusion, et selon ce principe, deux électrons ne peuvent pas être dans le même état. Il y a une exclusion, et cela se reflète bien dans la mécanique quantique. Eh bien, il s'avère que c'est cela, justement, qui rend la matière stable. Et ça, je dois dire que c'est un sujet qui m'intéresse considérablement. In general, so-called, these are called Coulomb systems because Coulomb studied. Ce sont des systèmes de Coulomb, Coulomb qui a étudié cela. I did a lot of work on that. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Certains de mes travaux, je les ai menés avec Bernard Giancovici, qui malheureusement n'est plus des nôtres. C'est un enseignant à Marseille et c'est un chercheur avec lequel j'ai collaboré dans ce domaine. Mais alors, en vous écoutant, certains auditeurs qui sont exclus de ce monde de la physique doivent se poser la question, mais finalement, à quoi ça sert la physique statistique? Et autre question qui nous vient à l'esprit, c'est quand vous étiez étudiant, pourquoi vous êtes tourné vers ce domaine-là qui, effectivement, vous passionne et vous fascine, on le sent, mais en général, on se dit quand on fait des choix, c'est pour résoudre des questions que l'on se pose. Quelles étaient les premières questions que vous posiez et finalement qui ont guidé votre choix d'aller vers la physique statistique, Joël Leibowitz? Well, I think, again, Melba Phillips, I mentioned before. Melba Phillips, que j'ai déjà citée, est une des premières scientifiques américaines et c'est une étudiante. Elle était étudiante, puis après elle était enseignante et elle a enseigné la mécanique quantique. Et notre manuel, c'est un manuel d'un certain Bergman. Après la fac, je suis allé à l'université à Syracuse pour travailler avec Bergman, Peter Bergman. Lui, il s'intéressait particulièrement à la relativité, mais à ce moment-là, il s'intéressait aussi à la mécanique statistique, à la physique statistique. Utilities of statistical mechanics are just very general. I mean, l'intérêt de la physique statistique, c'est un intérêt d'ordre général. Si l'on veut comprendre pourquoi l'eau bout à une température différente si l'altitude change, eh bien, c'est une question de pression. La température et lorsque la pression varie, évidemment, la température d'ébullition change. Et si l'on veut savoir pourquoi un pneu s'échauffe après un certain parcours en voiture, dans le domaine des technologies, si l'on veut comprendre comment fonctionne un téléphone portable, eh bien, il n'y a pas d'autre façon que de procéder que de s'intéresser à la physique statistique, parce que il faut comprendre les éléments microscopiques qui donnent lieu à un comportement et un phénomène macroscopique. I mean, having all electronics, you do have to understand on the fundamental level. Aujourd'hui, avec toute l'électronique qui nous entoure, ce n'est pas inutile de comprendre le comportement individuel des éléments électroniques qui donnent lieu à donc des fonctionnements d'appareils que nous voyons tous les jours. Et nous espérons aussi que cette discipline peut aider à comprendre des questions biologiques. Des maladies comme le cancer, maladies où l'on assiste à des mutations. What happens on the microscopic level, like the mutations? Il est intéressant de comprendre ces mutations à l'échelle microscopique pour mieux comprendre les manifestations à l'échelle macroscopique. Yeah. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai participé à une conférence à l'Institut Henri Poincaré. Et hier, il y avait une conférence fort intéressante qui a été donnée par Jorge Kuchan, qui est responsable de la physique statistique, qui parlait de la mécanique statistique et de biologie pour ce qui est de la compréhension des mutations et des problèmes d'ordre écologique. Statistical mechanics of glasses. La mécanique statistique des verres. Là, c'est un matériau tout à fait intéressant. Donc, c'est solide, mais le verre, ce n'est pas comme les cristaux. Dans le verre, il y a un phénomène de mémoire. Si vous chauffez cette matière, puis la refroidissez, eh bien, la matière se souviendra si elle a été échauffée rapidement ou au contraire progressivement. Et ce type de phénomène, on peut le retrouver dans des systèmes biologiques aussi. Donc beaucoup d'applications, en tout cas, on l'entend, Joël Leibowitz, dans la vie au quotidien, et ça devient tout de suite plus éclairant. Alors, votre univers, tout autre, hein, on arrive à la moitié de l'émission, votre univers artistique et littéraire. I love music, and I love reading very much. J'aime beaucoup la musique, particularly, la lecture. Fond of certain writers, j'aime particulièrement certains écrivains. Isaac Bashevis Singer, c'est un de mes écrivains préférés. So there are certain things I remember from reading short stories. One of Balzac's short stories. Je me souviens de nouvelles. J'ai eu à l'esprit une nouvelle de Balzac, d'ailleurs. C'est le récit d'un paysan qui a accédé à la bourgeoisie. Son fils a du reste épousé une ressortissante de la noblesse. Et ensuite, on a voulu le rejeter de la bourgeoisie. Donc, lorsqu'il demande à son fils de lui donner un manteau, eh bien, le fils ne lui donne qu'un demi-manteau. Et le grand-père intervient, se plaint, et lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Eh bien, je garde l'autre moitié pour toi. Voilà, ça c'est Balzac. Je me souviens avoir lu ça il y a fort longtemps. Je m'en souviens. Et Camus aussi, je crois. Yeah, Camus is a favorite of mine. Oui, Camus, c'est un de mes écrivains préférés aussi. His essays, and I'm particulièrement le Camus essayiste. The Myth of Sisyphus. Le mythe de Sisyphe. Yes, I mean, it's, particularly finds there a kind of a humanistic chez Camus, expression. Je trouve une expression saying, you know, humaniste. In the end, what really matters, au bout du compte, what we do, what la we chose create. La plus importante, I mean, c'est ce que nous faisons, ce que nous créons. Doesn't have any emotional impact d'une if certaine know façon, il n'y a pas d'impact émotionnel à savoir qu'il y a des collisions entre les galaxies. What is important is what is au contraire, ce qui est important, c'est ce qui est humain et ce que nous pouvons comprendre. This has to be combined, of course, with cela, just because we are conscious and we can do science. Il faut we le understand comprendre de par notre conscience qui nous permet de comprendre and grand les choses grâce I mean, à la science. L'univers, c'est tout de même particulièrement grandiose et étrange, et on ne comprend pas pourquoi l'univers est ce qu'il est. On va vous faire un cadeau, Joël Leibowitz. Vous allez entendre un extrait du livre de Camus, lu par Jean Taupart. C'était en 1960 pour France 3 National. Là encore un extrait d'archives sonores de l'INA, suivi d'une musique choisie sur les conseils de votre neveu Marc Roland et de votre belle-fille Wendy Worth. Voilà, une partie de la famille est rentrée quand même dans cette émission et leur choix, c'est Mozart, Quatuor pour flûte. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe revenant vers son rocher. Dans ce léger pivotement, il contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. La suite de la Marche des sciences sur France Culture, émission spéciale Grand Portrait consacrée à Joël Leibowitz, physicien américain honoré de la grande médaille de l'Académie des sciences en France remise en octobre 2014, celui que certains scientifiques appellent l'âme de la physique statistique. Un grand maître en tout cas de cette discipline, homme de science et défenseur acharné des droits de l'homme. Alors Joël Leibowitz, une réaction peut-être sur ce choix musical fait par vos proches, le Quatuor pour flûte de Mozart. Unfortunately, I'm not able to learn languages or to recognize the music. Je suis très mauvais en langue. I could not tell you exactly which quartet. J'aime beaucoup la musique, mais bon, si vous dites que c'est un quatuor de Mozart, je vous crois. It's one of my great regrets that c'est un de mes grands regrets que de ne pouvoir apprendre le français. Je baragouine, malheureusement. Mais vous aimez Mozart, en tout cas. But Mozart, you do like Mozart. I do. I love him. Oui, j'adore Mozart. En tout cas, vous êtes un homme de transmission, un animateur de cette discipline, la physique statistique, soucieux d'intégrer les jeunes chercheurs aussi, on va en parler dans l'univers de leurs aînés. On va entendre tout de suite sur ce thème Bernard Derrida au micro de Céline Duchesnay. Une autre chose, en fait, pour moi, Joël est une grande source d'information parce qu'il rencontre énormément de gens, et donc le plus souvent, si une question est soulevée, il va pouvoir m'indiquer les personnes qui sont les plus au courant, les travaux les plus récents, et donc c'est quelqu'un qui couvre complètement un domaine et qui est au courant de tout ce qui s'y passe. Il est souvent entouré de beaucoup de jeunes doctorants ou post-doctorants, et il transmet beaucoup de ses connaissances et des idées qu'il glane ici ou là parce qu'il connaît beaucoup de gens et qu'il aime beaucoup avoir des interactions, des discussions scientifiques. Depuis donc plus de 50 ans, il a organisé des conférences biannuelles, donc tous les 6 mois, dans l'université où il travaille. Au départ, c'était l'université Yeshiva qui se trouve à New York, au centre-ville. Et maintenant, depuis 25 ans, je crois, il est à Rutgers. Donc tous les 6 mois, il organise une conférence. Il invite des gens. D'abord, il est le chairman de toutes les sessions de la conférence. Il assiste à tout. Il va même chercher les gens à l'hôtel en prenant le petit déjeuner avec eux, etc. Et puis, une chose très particulière, c'est que dans ces conférences, il y a plusieurs sessions où les gens parlent 5 minutes. La personne qui veut s'inscrire peut parler du sujet qui lui plaît. Il faut normalement le faire au tableau. Donc les gens, en 5 minutes, doivent expliquer quel est le problème qu'ils regardent, quels sont les principaux résultats. Et ça, c'est ouvert aux jeunes. Et ça permet aux jeunes, souvent, de donner leur premier séminaire à cette occasion. Et souvent, en quelques minutes, ils se font remarquer, ils montrent leurs capacités. Et croyez-moi, ce n'est pas facile de présenter un sujet et les principaux résultats en 5 minutes et d'être compris par les autres. Donc c'est un exercice extrêmement formateur. Alors Joël Leibowitz, une réaction, on comprend en tout cas que cette discipline, vous la portez haut, hein. Vous êtes animateur de la physique statistique et cette façon de fédérer autour d'elle grâce donc à ces conférences biannuelles qui ont lieu depuis 55 ans je crois. They have been going on, yes, since 1959. Oui, ça existe depuis 1959. On en arrive à la 113e, ce sera le 10 mai. Et donc des conférences qui permettent à des jeunes d'entrer dans l'univers de leurs aînés, et finalement de se faire connaître aussi avec ces fameuses 5 minutes. Anybody who would like to give a talk is accepted. Quiconque veut intervenir est accepté. Mais il faut que ça soit une intervention rapide. Ça a évolué au fil des années. Aujourd'hui, il y a des interventions plus longues. Il y a des intervenants que nous invitons et qui peuvent parler jusqu'à 25 minutes. Nous essayons de faire en sorte que ces conférences restent ouvertes et conviviales. Et permettre certainement de dénicher un petit peu les talents de demain. On imagine que c'est aussi l'ambition à Joël Leibowitz. Yes, well, just to really be able to get en quelque sorte, oui. On s'intéresse au sujet beaucoup. S'il y a des sujets d'intérêt, il faut que ça soit partagé. I was one of the initiators of a similar type of conference. J'ai lancé une conférence similaire qui se tient à Paris tous les ans. C'est au mois de janvier. Last Thursday and Friday of January. C'est le dernier jeudi et le dernier vendredi de janvier. Ça se tient à Paris. Bernard Derrida, évidemment, est l'une des chevilles ouvrières de cette conférence. Et ça s'est tenu pour la première fois en 1980, je crois. Bernard Souillard, qui est physicien, et moi, nous avons organisé la première conférence, et ça existe encore aujourd'hui. Ça se tient à l'école de physique et de chimie. En tout cas, la science pour vous, on l'entend et on le sent, Joël Leibowitz, rapproche les hommes. Et là, on entre dans cette autre facette de votre personnage et de votre vie, homme engagé dans la défense des droits de l'homme de science, ces hommes persécutés pour leurs opinions. Finalement, dans votre patrimoine aussi, des personnes qui ont compté, que vous avez rencontrées ou pas, il y a Einstein, ça, voilà, il fallait le mentionner. Mais il y a aussi un autre homme, et en rapport avec ces histoires de droits de l'homme, c'est André Sakharov. Je vous propose de l'écouter dans un document sonore qui date du 24 décembre 1986, au moment où il a été libéré de son exil à Gorki, et il s'exprime à propos de Mikhail Gorbatchev. Eh bien, cela dépend de Mikhail Sergeyevitch Gorbatchev. Je ne refuserai jamais aucune rencontre. Cela serait bien sûr bien parce que je pourrais lui dire personnellement ce que je lui ai déjà dit au téléphone, ce que je pense, et puis beaucoup d'autres choses. Et je pourrais lui répéter encore une fois mes remerciements pour le changement dans notre sort, dans notre destin qui vient de se produire. Je respecte beaucoup Gorbatchev, la nouvelle politique de transparence, de glasnost, dans notre pays aujourd'hui me semble très importante. Elle manquait depuis toujours à notre pays. Et les changements qui se déroulent actuellement me semblent très importants. Sans doute, ils doivent être encore plus approfondis dans plusieurs domaines. J'aimerais bien donc, si c'est possible et si on me le demande, rencontrer Gorbatchev. Mais cela ne dépend pas de moi. Joël Leibowitz, donc Sakharov, que vous avez rencontré d'ailleurs en décembre 1978. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est le début d'un engagement ou vous étiez déjà actif sur le front des droits de l'homme? Sakharov a certainly one of the most impressive personalities I've ever met. C'est l'une des personnalités les plus impressionnantes que j'ai jamais rencontrées. In December of 1978, en décembre 1978, vous l'avez dit, je l'ai rencontré. C'était la première fois que je retournais en Europe de l'Est. À cette époque, il y avait des scientifiques juifs, Refusnik, qui voulaient émigrer et à qui on avait refusé cette possibilité. Donc ils ont organisé un séminaire. Et quelques Américains sont venus, moi et d'autres personnes des États-Unis. Il y a également des Français qui se sont déplacés. Et Sakharov a participé à ce séminaire. It was in the house of one of the Refusnik scientists, Victor Berelovsky. Victor Berelovsky était l'un des instigateurs de cette conférence. So that's where I met Sakharov. Et c'est là que j'ai rencontré Sakharov pour la première fois. And at that time, he was also concerned. À cette his époque, wife was being denied permission to go. On refusait à son épouse la possibilité d'une intervention ophtalmologique en Italie. Donc il s'était mis en grève de la faim. Anyway, he invited me and my colleague Jim Langer from the United States, who was there. Mon ami Jim Langer des États-Unis et moi, nous sommes allés donc à ce séminaire et il nous a invités à dîner. That day, even before the dinner, they did give permission. Le dîner, on a appris qu'on avait enfin donné la possibilité à son épouse la possibilité d'aller se rendre en Italie pour son intervention des yeux. Donc, on a pu fêter cela. That's where I got to know him. C'est ainsi que j'ai connu Sakharov. Et du reste, it was clear that, au cours du dîner, there was a telephone was monitored. I mean, that they were, on a très vite compris que Sakharov était sur écoute. KGB had put, le KGB avait installé des micros dans son domicile. Mais pour revenir à Sakharov, ce qui m'impressionnait le plus chez lui, c'est que c'était un homme qui n'hésitait pas à s'exprimer. Il disait ce qu'il avait sur le cœur et dans l'esprit, tout en sachant évidemment qu'il était écouté par le KGB. Great characteristic of Sakharov, which I remember, is indeed that he spoke the same distinctif de Sakharov, c'est qu'il parlait de la même façon, quel que soit son interlocuteur, qu'il parle à Gorbatchev ou à Khrouchtchev ou à quiconque chez lui, il disait la même chose et il parlait de la même façon. Et alors pourquoi votre engagement comme ça, Joël Leibovitz, comme je disais, sur le front des droits de l'homme et des hommes de science, hein, inquiétés de par le monde? Je me suis rendu à cette conférence en 1978 parce que j'étais le président de l'Académie de New York de sciences à l'époque. Et on m'a demandé de parler à ce titre et on m'a demandé quelle mission je voulais mener en tant que président de cette académie. Eh bien, j'ai expliqué que j'allais œuvrer en faveur de la défense des droits des hommes de science. C'est ainsi que j'ai commencé à m'engager au sein d'un comité d'hommes de science. Je suis le co-président à l'heure actuelle, donc nous faisons tout ce que nous pouvons dans ce sens pour défendre ces droits. Nous envoyons des courriers. Still doing it very much. We're going to have our annual meeting. Notre réunion annuelle va se tenir la semaine prochaine à New York, d'ailleurs. En tout cas, votre engagement est total et il va bien au-delà, hein, de l'ex-URSS. On va en prendre la mesure tout de suite avec le témoignage d'Edouard Brézin. Dans les années 90, il y a eu une conférence de physique statistique dans la ville de Xiamen, en Chine. On s'était beaucoup interrogé pour savoir est-ce qu'on accepterait l'invitation, la proposition du gouvernement chinois. Tiananmen était encore très présent dans tous les esprits. Finalement, la conférence a bien eu lieu, mais avec les questions de scientifiques persécutés en Chine, il y en avait eu à l'issue de Tiananmen, et de ce mouvement de libéralisation avorté, il était décidé de faire une session là-dessus. Il y a eu une opposition assez violente de scientifiques, même célèbres, qui trouvaient que qu'est-ce que c'était que ça, la Chine s'ouvrait au monde, on n'allait pas... Eh bien, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que l'on puisse passer sous silence pour des raisons de commodité ou d'opportunité scientifique ces questions. Donc, il y a eu une séance sur les droits de l'homme en Chine. Mais il n'hésite pas à intervenir sur de tout autre plan. Par exemple, lorsque les États-Unis refusent des visas à des gens ou les délivrent trop tard pour que les gens puissent participer à des réunions scientifiques, qu'ils soient indiens, iraniens, etc. Joël Leibovitz, c'est le premier à intervenir. Il a des liens scientifiques évidents avec Israël, qui est un grand pays scientifique. Quand il va en Israël, il n'hésite pas à aller faire un exposé dans les universités palestiniennes en Cisjordanie, ce qui n'est pas tout à fait banal quand même. Quand on entend ce témoignage hein, d'Edouard Brézin, Joël Leibovitz, on se demande quand même si dans toutes vos actions, il n'y a pas quelque part... alors on sent qu'il y a ce caractère inviolable de la dignité humaine qui est importante pour vous. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un engagement en lien là, avec votre enfance, justement ? Yes, certainly experienced... that part, but, cette expérience que j'ai eue dans mon enfance, l'enfance n'est pas étrangère à mon engagement actuel. Horrible things going on in the world today. Il y a des choses horribles qui ont lieu dans le monde, à différents endroits. Et en tant qu'être humain, nous sommes tous concernés. Here in Paris, you know what happened also just in January. Même à Paris. Au mois de janvier, il y a eu de terribles attentats. What happened? So, in addition to that, I mean, I think there's a particular responsibility of scientists. Mais au-delà de ça, je dirais que les scientifiques ont une responsabilité supérieure, une responsabilité try to, selon laquelle ameliorate ils doivent essayer d'améliorer les choses. Une fois que l'on comprend la grandeur de l'échelle de l'univers, on se dit que les différences entre nous, de couleur de peau ou de croyances religieuses, eh bien, ce sont des différences infinitésimales. C'est minuscule. Il faut que nous comprenions ce qui se passe dans le monde et aller au-delà de ces toutes petites différences qui nous séparent. Et je crois que les scientifiques ont cette responsabilité-là de montrer cela du doigt. Et on peut préciser pour nos auditeurs que sur votre page, hein, votre site personnel, on trouve la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, c'est à signaler. Joël Leibovitz, il y a une tradition dans l'émission Grand Portrait, c'est un des participants vous pose une question, et là c'est Édouard Brézin. Quel est le problème qu'il n'a pas réussi à résoudre, qu'il aurait vraiment aimé résoudre ? Many. Oh, il n'y en a pas qu'un. Still trying to derive from the microscopic dynamics. De la dynamique microscopique, j'essaye de comprendre la loi de Fourier. Loi de Fourier, selon laquelle le flux de chaleur est proportionnel à l'aspect négatif du gradient de température. Like to derive this from the microscopic On voudrait dynamics. Pouvoir comprendre That's cela selon nos connaissances de la dynamique microscopique, mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Merci Joël Leibovitz, merci d'être venu dans la marge des sciences. Merci aussi à Bernard Derrida, Édouard Brézin. qui ont participé à cette émission au micro de Céline Duchesnay et puis à Xavier Combes pour la traduction de vos propos. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr à la page de la Marche des Sciences. L'émission, je vous le rappelle, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours ou la télécharger pendant un an. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Duchesnay pour les reportages, Catherine Donnet pour la préparation de l'émission, Xavier Combes pour la traduction, Anaï Morales et Sophie Gillery pour les archives de l'INA. Et puis merci aussi à Marie-Laure Moinet de l'Académie des Sciences. À la réalisation, Alexandra Malka, et à la technique, aujourd'hui Dofar Guiride. Et samedi prochain, à l'occasion de la Nuit des Étoiles, c'est l'astrophysicien André Brahic qui se pliera au jeu du grand portrait. Quand j'étais petit, j'avais la chance, chaque fois que j'ai demandé d'avoir eu un télescope, qu'on me donne une réponse positive. Ce qui n'était pas facile, puisqu'en gros, il y a 10 fois plus de demandes qu'il n'y a de demandes accordées. Donc c'est une compétition un peu dure. Et puis bon, j'ai eu la chance qu'à chaque fois que je demandais un télescope au Chili ou ailleurs, ils me l'accordaient. Et nous avions trouvé les anneaux d'Uranus par une équipe américaine survolant les îles Kerguelen en 1977, les anneaux de Jupiter en 1979 par la sonde Voyager, ceux de Saturne en 1610 par Galilée, et donc il restait Neptune. Et donc j'ai essayé d'observer Neptune dans les conditions suivantes. Vous regardez le moment où la planète passe devant une étoile. Donc quand la planète passe devant une étoile, elle masque la lumière de l'étoile, mais si par hasard il y a des anneaux autour, la lumière est interrompue avant et après le passage. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé ceux d'Uranus, etc. Donc on a voulu faire la même chose pour Neptune. Alors on a observé en 1980, 1981, rien. 1982, rien. 1983, rien. Donc mes collègues, en 1983, il y avait une soixantaine d'équipes dans le monde, dans le Pacifique. Moi j'étais à Hawaï, d'autres étaient en Nouvelle-Zélande, d'autres en Australie, d'autres en Chine, d'autres à Guam, etc. Tout le monde observait rien. Pas de lumière interrompue avant ou après le passage de la planète. Donc mes collègues ont écrit un article qui s'appelait « Il n'y a pas d'anneau autour de Neptune ». Moi j'ai refusé de signer cet article, sur l'argument que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et donc j'ai continué en disant « Il faut observer ». Et en 1984, je fais une demande « Refusée ». Sur l'argument qu'il n'y avait pas d'anneau. Et entre-temps, certains théoriciens avaient même écrit qu'il ne pouvait pas y avoir d'anneau parce que ça tire Triton à une orbite rétrograde, etc. etc. Donc j'ai protesté, on m'a dit « mais calme-toi, j'ai pas eu le télescope que je voulais, mais j'ai eu deux petits télescopes à la place. » Et j'ai dit « on m'a donné pour observer Uranus à la place, mais j'ai Uranus, je connais, je voudrais observer Neptune. » Donc j'ai finalement réussi à avoir ces deux télescopes. Pourquoi deux ? Parce que ce qu'on veut, c'est une interruption de signal, et n'importe quoi peut provoquer une interruption de signal. Une panne de courant, quelqu'un qui donne un coup de coude dans le télescope, un oiseau qui passe, un nuage qui passe, un avion qui passe, etc. Donc si vous mettez deux télescopes, il n'y a pas l'oiseau en même temps, et la panne de courant en même temps, et si deux assistants donnent un coup de coude en même temps à 1 km de distance, je les prends dans la prochaine comédie musicale, tellement ils sont bien synchronisés. Et donc on met deux télescopes. Et qu'est-ce qu'on observe ? Une interruption de signal d'un côté de la planète et pas de l'autre. Et ça, c'est très, très mystérieux. L'interruption de signal n'est pas totale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui masque la lumière, mais qui est un peu transparent. Donc, c'est pas un satellite. Et comment dirais-je, un anneau, ça fait le tour de la planète. On apprenait quand j'étais petit à l'école, à bac moins 2, qu'il y a des lois qui s'appellent loi de Kepler, et quand un corps tourne autour d'une planète, il tourne plus vite s'il est plus près, et plus doucement s'il est plus loin. Donc si vous mettez un arc de matière autour d'une planète, eh bien en 4 ou 5 jours, cet arc devient un anneau complet. Donc un arc de matière ne peut pas exister. D'après loi de Kepler, 1610. Ça peut pas exister, mais ça existe. Et alors évidemment, quand j'ai trouvé ça, personne ne l'a cru. André Brahic, superstar, ce sera donc dans une semaine. D'ici là, dans un instant, ne manquez pas Nazawiyat de Charlotte Bien-Aimée. Bon samedi à tous sur nos antennes, bien sûr.